Chapitre 5e. Une filature ardue. Le regard perçant du détective s'était fixé sur le comte, comme si Bjork avait cherché à deviner, derrière ce masque encore impénétrable, le fond des pensées secrètes de Paolo da San Gallo. L'idée soudaine qui était venue brusquement traverser l'esprit de l'Américain, en lui ouvrant des horizons nouveaux sur cette étrange affaire, avait-elle peut-être aussi déjà hanté le cerveau du père de Bianca? Comment le savoir? Comment arriver à découvrir s'il ne nourrissait pas, dans un repli caché de son cœur, une profonde anxiété au sujet de ce parent dont le passé tout proche avait comme un reflet teinté de rouge? Les paroles suivantes du père de Bianca devaient lui enlever tous ses doutes. « Vous comprenez bien, monsieur Bjork, fit son interlocuteur, que dans les circonstances que vous savez, il m'est impossible de ne pas recevoir Daniello. Vous l'avez reconnu vous-même. Lui fermer ma porte serait du plus mauvais goût, car ce serait laisser entendre à mon cousin que sa présence ici a pour but de s'assurer si le mauvais état de la santé de Bianca prend un caractère plus ou moins alarmant. En d'autres termes, lui reprocher de soigner son héritage. Un manque de tact en un mot dont ne saurait se rendre coupable un comte de San Gallo. Vous êtes dans le vrai, je le reconnais encore une fois, feignit de convenir le détective. Et terminant rapidement la lecture de la liste des invités, il lui remit le papier en ajoutant « Je ne vois là rien de suspect, mais je crois néanmoins qu'il sera bon que mon ami Romain Farrell et moi nous montions une garde discrète aux alentours de la fameuse coupe le soir de la fête. Ce serait plus prudent, à mon avis. » « Alors, répliqua le comte, vivement inquiet, c'est que vous craignez quelque chose ?»« Vous-même, monsieur da San Gallo. Mais enfin, auriez-vous relevé le nom de quelqu'un de suspect ?»« Non, c'est par simple précaution, croyez-moi. »« Ah, vous me rassurez. En tout cas, agissez à votre guise. Je vous laisse à tous deux carte blanche. Ce que vous ferez, ça a toujours bien fait, j'en suis intimement convaincu. »« Mais cette surveillance, » demanda-t-il encore, que vous voulez exercer autour de Bianca, vous y songez toujours, n'est-ce pas? Oh, pour ce qui est de ceci, puisque vous me laissez libre d'agir comme je l'entends, permettez-moi de ne rien vous dire en ce moment, déclara formellement Ned Bjork. Pourtant, ajouta-t-il, avec une insistance marquée, qu'il accompagnait d'un coup d'œil significatif à Farrell, soyez bien assuré que nous découvrirons le mot de l'énigme, quel qu'il soit, car nous nous trouvons en présence d'une extraordinaire affaire qui nous ménage d'étonnantes surprises, n'en doutez pas un seul instant. Vous croyez? J'en suis certain maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que... Mais non, je ne veux rien vous dire encore. Attendez et vous verrez, vous en serez stupéfait. Attendons alors, se résigna le comte da San Gallo, qui, précédant les détectives, les reconduisait par une des allées jusqu'à la grille du jardin. Au tournant d'un bouquet d'arbrisseaux fleuris surgirent soudain devant eux deux silhouettes, l'une mince, élancée, celle d'une jeune fille sans doute, l'autre, courte, épaisse, avançant d'un pas lourdi, qui accusait une assez forte femme d'âge. Un coup d'œil avait suffi à Bjork pour deviner en elle Bianca de San Gallo et la vieille Teresa. Les devançant de quelques pas, et allant dans la même direction qu'eux, les deux femmes n'avaient pu les apercevoir. Et les entendre leur eût été difficile, car ils parlaient à voix assez basse. Ned Bjork, instinctivement, se douta que le comte allait profiter de l'occasion pour le présenter à sa fille. Aussi, prévenant son intention d'un brusque mouvement, l'obligea-t-il ainsi que Farrell à s'arrêter et d'un doigt posé en travers de ses lèvres, lui recommanda le silence. Ils attendirent là tous les trois, de voir Bianca et la vieille Italienne franchir la grille, puis Bjork s'expliqua rapidement à voix basse. « Cela vaut mieux ainsi. Je préfère de beaucoup que Mademoiselle da San Gallo et Teresa ne nous connaissent pas de vue, mon ami Romain et moi. Ce serait nous brûler inutilement et très fâcheux pour les prendre ensuite en filature. « Quoi? Vous voulez déjà ?» interrogea anxieusement le comte. « Déjà ?» gronda le détective, qui vivement s'élançait sur les traces des deux femmes, prenant à peine le temps de s'excuser de ce départ brusqué. « Vous oubliez qu'il n'y a pas un instant à perdre, mon cher comte. » Et saisissant le jeune policier par le bras, il ajouta en l'entraînant « Allons, Romain, vite, en route, si nous ne voulons pas nous voir dépister. » « Et vous me donnez des nouvelles quand ?» demanda encore Paolo da San Gallo. Mais Ned Bjork et Farrell ne l'entendaient plus. À leur tour, ils avaient franchi la grille qu'ils refermaient sans bruit derrière eux et s'orientant dans la rue, suivaient d'un bon pas à distance les deux femmes qui déjà atteignaient l'avenue de Neuilly. Toutes attachées à leur poursuite et sans perdre leur gibier de vue, les deux limiers commentaient sans élever la voix puisqu'il ne fallait le précieux entretien qu'ils venaient d'avoir avec le comte. La situation commençait nettement à se dessiner, et l'affaire prenait une toute autre tournure. Elle semblait complètement confirmer les prévisions de Ned Bjork. Il ne s'en montrait pas peu fier d'ailleurs, et l'œil animé, un sourire de triomphe aux lèvres, ce sourire que Farrell ne lui connaissait que dans les grandes occasions, il lui disait tout en pressant le pas. L'avouez-vous bien maintenant, cette influence étrangère, cette influence mystérieuse qui agit dans l'ombre, Daniel Los Aviati ? Interrogea Farrell. Incontestablement. Cette question d'héritage, la clause bizarre du testament de la vieille tante Andrea est toute la clé de l'énigme. Comprenez bien, Romain, que Mademoiselle Bianca vienne à mourir avant sa majorité ou le jour même où elle l'aura atteinte, la fortune de la tante Marini da San Gallio reviendrait de ce fait même et de droit à son parent, le compositeur. D'accord, convint Farrell, mais en ce cas, pourquoi notre homme, qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure en rappelant l'affaire de la Zamboni, est capable de tout? Irait-il par quatre chemins au lieu de se débarrasser de la jeune fille d'une façon brutale? Il ne doit pas être à un crime près. Il y a tant de manières de faire disparaître quelqu'un de gênant. Vous raisonnez comme un enfant, mon ami, déclara Bjork avec un haussement d'épaule. Comment cela? Réfléchissez un peu au risque qu'il viendrait à courir si le cas se produisait. Supposons un instant que Bianca d'An Sangoglio meure empoisonnée, par exemple. Les Italiens, nous le savons, ont de subtils poisons. Mais la science a fait de tels progrès de nos jours que bien rares sont ceux qui ne laissent pas de traces. N'est-ce pas votre avis? Si. L'autopsie de la victime, autopsie qui certainement s'imposerait, décèlerait donc la présence de ce poison et ferait rechercher celui qui l'aurait administré ou fait administrer. Or, selon le terme juridique, is fecit qui prodest, le coupable ne peut être que celui à qui le crime doit profiter. En l'espèce, Danielos Albiati serait désigné comme le criminel, puisqu'il prendrait alors les lieux et places de sa parente dans l'héritage de la tante Andrea. Admettons maintenant que, redoutant le poison comme trop dangereux, le compositeur préfère avoir recours à un mystérieux assassinat, qu'il commette lui-même ou le fasse commettre par quelque malandrin n'obéissant qu'à ses ordres. Les suites seraient analogues. Les soupçons se porteraient infailliblement sur Salviati, toujours pour les mêmes raisons, et la vérité pourrait aisément se faire jour. Notre homme est autrement plus fort que cela. S'il a bien résolu de faire disparaître sa parente, il faut que ce soit le plus naturellement du monde, et sans qu'on puisse mettre en doute sa parfaite innocence, car dans le cas contraire, on aurait tôt fait de fouiller son passé et de remettre en lumière la fin tragique de la Zamboni, les premières poursuites aussi dont il a été l'objet, s'est démêlé avec la justice italienne. « Il a eu non-lieu, » interrompit Farrell. « Le comte d'An Sangallio vous le rappelait lui-même. « Je le veux bien, mais vous connaissez le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Et dans son cas, le manque seul de preuves l'a fait remettre la liberté. » Une autre affaire de meurtre éveillerait inévitablement les soupçons. Mais d'autre part, comment deviner une main criminelle dans cette nervosité morbide dont Bianca de Sangallio est la proie? La crainte de voir s'accomplir la terrible prédiction qui pèse sur la famille des Marini d'An Sangallio a pris un tel empire sous l'esprit de la malheureuse qu'un accident fâcheux arrivant à la fameuse coupe du Doge, sa disparition même au cas où elle serait volée, pourrait causer chez Bianca une fin brusquée et toute naturelle. Comme la joie, l'approche de l'inconnu fait peur et peut amener une embolie, une rupture d'anévrisme, que sais-je. Et comment alors accuser le parent de la jeune fille, l'héritier de la tante Andrea, d'avoir trempé dans un crime bien problématique? Dites plutôt un crime vraiment machiavélique, rectifia Farrell. Oui, mon ami, vous avez dit le mot, et c'est là ce qu'il nous faut rechercher pour l'empêcher à temps. Mais le vrai succès consisterait à confondre le criminel en le prenant en flagrant délit. Ce que je ne me décourage pas de pouvoir arriver à faire avec un peu d'adresse. Les deux hommes étaient à ce point attentionnés aux propos qu'ils échangeaient que toute leur ruse policière se trouva soudain en défaut. Sans s'en apercevoir, ils étaient parvenus à la porte Maillot. Mais là, dans la cohue des voitures et des camions qui attendaient à l'octroi, Bjork et Farrell manquèrent perdre la bonne piste. les deux femmes, qui gagnaient Paris, s'étaient glissées entre les autos stationnées là et un instant, Björk demeura perplexe. Avait-elle hélé un taxi, sauté dans un autobus ou pris le chemin de fer de ceinture dont la station était toute proche? Il fut bien vite rassuré en les voyant descendre les marches du métro et décidé à les filer sans relâche. Il suivit leur exemple, ayant encore le temps de murmurer cette recommandation à l'oreille de son jeune ami. « À partir de maintenant, nous ne nous connaissons plus. » Quelque chose qu'il arrive. Si les deux femmes venaient à se séparer, vous, Romain, vous prendriez Teresa en filature. Moi, je me charge de Bianca. Les circonstances peuvent nous appeler dans des quartiers tout différents. Sans nous occuper l'un de l'autre, nous nous retrouverons à notre GQG. C'est bien entendu. Pourquoi Mademoiselle de Sainte-Gallio avait-elle décidé d'emprunter ce moyen de transport si populaire, alors qu'il eût été si aisé de monter dans un des nombreux taxis qui passaient? Björk ne chercha même pas à le comprendre pour l'instant, bien qu'il eût là de quoi le surprendre. Mais après s'être engouffré, suivi de près par Farrell dans la même voiture que les deux femmes, il se reprit à y songer, se demandant à quel mobile elles obéissaient là. « Nous verrons bien, » songea-t-il enfin, en se tenant debout derrière elle, prête à surprendre les moindres mots qu'elles pourraient échanger. Mais il en fut pour ses peines, car elles avaient toutes deux gardé le silence jusqu'à l'étoile, où, quittant la voiture, elles remontaient aussitôt à la surface. Il semblait dit pourtant que Ned Björk et Romain iraient de surprise en surprise. Les deux femmes ne venaient-elles pas de sauter dans un tramway dont c'était la tête de ligne? Bon, ils en seraient quittes pour faire de même. Néanmoins, tous deux se demandaient toujours pourquoi la fille du comte choisissait une fois encore ce moyen de locomotion, tout aussi populaire que le métro, alors qu'il lui était si aisé de prendre une voiture. Et à force de réfléchir, Björk en arriva à conclure que Bianca da Sangallo et sa compagne cherchaient certainement à dépister quiconque eût été tenté de les suivre. Ils étaient loin de se douter être si bien surveillés. Où donc pouvaient-elles se rendre? Encore une énigme qui se posait dans l'esprit de Björk sans qu'il pût aisément l'élucider. Au lieu d'emprunter la voie large et directe des boulevards extérieurs, le tramway suivant une autre ligne gagnait les Batignolles, où les deux femmes descendaient bientôt, toujours suivies à distance par les policiers. Traversant un vaste square en bordure de la voie ferrée, dont la large tranchée s'ouvrait tout en bas quelques mètres de profondeur, Bianca et la vieille Italienne, par une porte dérobée, venaient de pénétrer dans l'église de Sainte-Marie des Batignolles. Cette fois, malgré toute son assurance et son flegme imperturbable, Ned Björk dut se reconnaître dérouté. Était-ce donc pour venir faire ses dévotions dans cette petite église sans prétention aucune, perdue au milieu de ce quartier peu aristocratique, que la riche héritière des Marie da Sangallo avait suivi ce long chemin? Et l'étrangeté récente de son caractère, les bizarreries qu'on avait pu remarquer dans ses habitudes coutumières, son extrême nervosité enfin, menaçait-elle donc maintenant de prendre une tournure mystique tout à fait inattendue et qui pouvait devenir alarmante? Tout le long du trajet déjà depuis la porte Maillot, Farrell avait pu constater l'air vivement préoccupé de son compagnon. Il en avait été d'autant plus affecté qu'il leur était devenu absolument impossible d'échanger le moindre propos, de se communiquer leurs impressions. Mais, dans le square même des Batignolles, dans ce jardin où il leur avait été indispensable de prendre par des allées différentes, pour éviter d'éveiller les soupçons de Bianca et de Teresa, il lui sembla pouvoir remarquer à distance que Björk était de plus en plus soucieux. Parvenu enfin à proximité de la petite église, l'Américain, cette fois, se montrait visiblement désorienté. Les deux femmes n'étaient plus en vue. Il avait attendu que Romain lui rejoigne pour lui murmurer tout bas. « Suivez-moi, mon ami. Il ne faut pas qu'il nous échappe. » Et peut-être, s'étant aperçu qu'on les avait filés, sentait-elle entrer par une porte pour sortir par l'autre, dans le but de tromper notre surveillance. C'est la ruse classique des maisons à double issue. Mais je croirais plutôt pourtant qu'elles obéissent à un autre mobile sur lequel nous serons bientôt fixés. Je vais entrer dans l'église, vous ferez de même derrière moi tout aussitôt. J'ignore encore ce qui va se passer, quelle tournure vont prendre les choses. Mais il ne nous faut pas perdre de vue un seul de leurs mouvements. Et si elles venaient à se séparer, vous prendriez l'Italienne en filature, moi, Mademoiselle da Sangallo, toujours suivant nos conventions. c'est la seule marche à suivre. Il se peut aussi que l'une des deux reste là à attendre l'autre. Ce serait Teresa sans doute, qui patienterait ainsi jusqu'au retour de sa maîtresse en marmonnant des pattes nôtres. En ce cas, la tactique dont nous sommes convenus ne différait aucunement. Vous ne quittez pas Teresa d'un instant, et je m'attache à Bianca comme son ombre. C'est bien entendu, n'est-ce pas ? Oui, mon cher maître. Demeurez certain que je me conformerai à vos instructions, à la lettre. De cette façon, elles ne peuvent nous jouer. Bjork était bien décidé à pousser l'aventure jusqu'au bout, intimement persuadé que des événements se déroulant à l'heure présente dépendaient tout le succès de l'étrange affaire qu'il poursuivait. Pressant le pas, il contourna donc l'église, suivi à quelques pas par Farrell, et tous les deux y pénétraient à leur tour par l'entrée principale sur la place. Dans l'un des coins les plus retirés du Saint-Lieu, les deux curieuses dévotes venaient de s'arrêter dans une rangée de chaises. Bjork et Farrell purent le roi Bianca faire asseoir sa compagne, lui murmurer quelques mots à voix basse, puis, au bout d'un instant, gagner la porte principale par où ils étaient eux-mêmes entrés. Cette manœuvre de la jeune fille fut une révélation pour eux. Ils les comprenaient maintenant. Mademoiselle da San Gallo sortit avec Teresa, déposait celle-ci à l'église, se rendait seule là où elle avait affaire, et revenait ensuite rechercher son chaperon pour entrer Neuilly en sa compagnie. Le fait était évident. Cette découverte qu'il venait de faire ne manquait pas de rendre Bjork rêveur. Où la fille du comte pouvait-elle donc aller ainsi ? Un instant, le soupçon l'effleura de quelque intrigue amoureuse, mais aussitôt il repoussa cette pensée en la jugeant absurde. Malgré que les temps fussent bien changés aujourd'hui, il semblait inadmissible qu'une jeune fille du monde, comme Bianca, élevée comme elle l'avait été, se rendit dans quelque garçonnière à un rendez-vous galant. Et il y avait pourtant là quelque chose d'insolite, d'anormal, qu'il devenait indispensable de tirer au clair. Instinctivement, Ned Bjork sentait qu'il découvrirait bientôt la clé de cette troublante énigme. Certain maintenant que la vieille Teresa ne bougerait pas de Sainte-Marie-des-Batignolles jusqu'à ce que Bianca vint l'y retrouver, il avait tout le temps nécessaire pour suivre la jeune fille, savoir où elle allait, et venir rejoindre Farrell à l'église même. Toutes ces pensées s'étaient présentées en foule à son esprit en l'espace de quelques secondes seulement, et Mademoiselle da San Gallo venait à peine de descendre les marches de pierre conduisant à la place des Batignolles que Bjork franchissait à sa suite le seuil du Saint-Lieu, laissant Farrell apparemment livré à ses dévotions.